Au départ, il y a des canaux et puis ce sont des espèces de poulpes, des cerveaux qui commandent des tripodes pour détruire l'espèce humaine. Et puis, ce sont des géants verts à 6 bras avec 2 énormes défenses. Et ensuite, la taille réduit et la couleur reste. Ils deviennent des petits hommes verts avec des gros cerveaux en général, globalement hostiles. De vert, ils tendent vers le gris avec de grands yeux noirs et ils ont la sale manie d'enlever les êtres humains pour faire des expériences sur eux. Et puis, d'humanoïdes, ils deviennent des organismes monocellulaires tout en gardant leur hostilité et un fort potentiel d'agressivité envers l'espèce humaine, c'est un siècle et demi de représentation des Martiens que nous déroulons aujourd'hui. Martiens, trop martiens, c'est le programme protéiforme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces créatures si proches et si lointaines, nous avons le plaisir d'accueillir deux êtres humains jusqu'à preuve du contraire. Natacha Vasder, bonjour. Bonjour Nicolas. Chercheuse associée à l'université Bordeaux-Montaigne et présidente du festival Hypermonde qui se tiendra au mois d'octobre prochain. Et André Gunther, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'EHESS et historien des cultures visuelles. Elle a également de nombreuses formes distinctes, mais vous ne pouvez pas le savoir puisque c'est de la radio et qu'il n'y a pas d'image. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec deux études parues dans la revue Cell et Stem Cell Reports avec la création de premiers embryons chimères singe-homme. Depuis 1969, la technologie des chimères homme-animal consiste à ajouter des cellules souches pluripotentes humaines dans des embryons d'animaux. Et attention, pas l'inverse. Pour la recherche fondamentale, c'est une alternative à l'expérimentation humaine. Et à terme, cette technologie est très prometteuse pour la médecine régénérative, par exemple pour produire des organes humains pour la transplantation. Alors dans la revue Stem Cell Reports, une équipe française, dont des chercheurs de l'INSERM, a cultivé pendant 3 jours, dans des boîtes de pétri, des embryons de macaques avec de petites quantités de cellules souches pluripotentes, des cellules iPS, qui sont reprogrammées. Alors, dans l'étude parue dans la revue Cell, une équipe sino-américaine a mené la même expérience avec 25 cellules iPS injectées dans des embryons de macaques. Et les chercheurs ont ensuite observé leur développement pendant 19 jours avant de les détruire. Alors, par marquage fluorescent, ils ont pu voir qu'après 10 jours, les cellules humaines s'étaient bien intégrées dans 103 embryons et qui étaient toujours en développement. Alors pour le moment, ces expériences sont dans les clous et dans les limites juridiques, mais si ces embryons venaient à donner naissance à des créatures vivantes, des questions éthiques vont devoir se poser. En bref, selon une étude parue dans la revue ACS Applied Materials and Interfaces, le phosphore noir serait très efficace contre les bactéries résistantes. Et dans cette guerre contre les super bactéries résistantes qui menacent la santé mondiale, une équipe australienne a mis au point une nouvelle arme. Du phosphore noir répandu en couches nanométriques sur des surfaces comme du titane et du coton qui pourraient être utilisés sur des pansements ou sur des implants. Alors lorsque le phosphore noir se décompose, il oxyde la surface des bactéries qui finissent par se déchirer et c'est ce qu'on appelle l'oxydation cellulaire. Les chercheurs l'ont testé contre 5 souches de superbactéries, dont E. coli et le staphylocoque doré. En seulement 2 heures, 99% des cellules ont été détruites. De plus, le phosphore noir se désintègre en 24 heures. Pas de risque donc d'accumulation dans le corps humain. Alors pour le moment, ce n'est qu'une preuve de concept. Nous sommes encore loin d'une application clinique. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de l'intégrité écologique des écosystèmes mondiaux dont 3% seuls restent intacts, du Covid-19 et des réponses immunitaires des enfants qui diffèrent de celles des adultes, du variant britannique qui ne provoquerait pas de maladies plus graves que le variant usuel et de la création d'un système nerveux artificiel qui imite les réponses biologiques humaines, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha est en ultra bref. Cette semaine, on découvre que le paludisme devient de plus en plus résistant au traitement. Grâce à une mutation génétique, le parasite qui est responsable de cette maladie a développé la capacité d'échapper aux antipaludiques les plus courants. Cette résistance médicamenteuse est déjà répandue en Asie du Sud-Est et apparaît au Rwanda. En 2019, le paludisme a fait plus de 400 000 morts à travers le monde. Cette semaine au Texas, lancement et atterrissage réussi de la fusée réutilisable New Shepard, développée par la société Blue Origin de Jeff Bezos. Après avoir atteint les 100 km d'altitude, la fusée a libéré la capsule de l'équipage. Ce 15e vol était le dernier test sans passager. La date du premier vol de New Shepard avec un équipage n'a pas encore été annoncée. Cette semaine, les chercheurs du CNRS mettent fin à une longue controverse sur l'authenticité du buste de la Flora, attribué à Léonard de Vinci. Une nouvelle méthode de datation au carbone 14 prouve que non, cette sculpture n'a pas été créée par le maître italien, puisqu'elle a été conçue au 19e siècle. Et enfin, les artistes préhistoriques ont peut-être peint leurs fresques dans des états seconds. Alors non pas sous l'effet de drogues psychotropes, mais par manque d'oxygène. Des modélisations à des niveaux d'oxygène et de la ventilation à l'intérieur de ces grottes suggèrent que les peintres devaient être en état d'hypoxie. Or, on sait que le manque d'oxygène libère de la dopamine dans le cerveau, qu'il peut produire des hallucinations et qu'il induit des états de conscience altérés. Dans quelques minutes, on vous propose une radiographie de la représentation des Martiens dans l'imaginaire de la science-fiction, mais on fait d'abord un crochet par le journal de l'ASF. Et on commence avec une étude parue aujourd'hui dans la revue Science. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tyrannosaures qu'on ne le pense. Oui, il y a 69 à 66 millions d'années, les T-Rex ont régné en maître sur notre planète. Pendant 2,5 millions d'années, ces prédateurs se sont répandus dans ce qui est aujourd'hui la côte ouest de l'Amérique du Nord. Des chercheurs américains ont voulu estimer l'abondance de cette espèce à la fin du Crétacé. Alors, selon leurs calculs, il y a environ 2,5 milliards de T-Rex qui ont vécu sur Terre. Alors, pour faire cette estimation, les chercheurs se sont appuyés sur ce que l'on sait de ces animaux. Un T-Rex vit en moyenne 20 ans, il pèse 5,2 tonnes en moyenne, son métabolisme est mal compris, mais les chercheurs ont supposé une physiologie à mi-chemin entre un grand mammifère carnivore, le lion, et un grand lézard terrestre, le dragon de Komodo. Puis, ils ont utilisé une équation écologique, la loi de Damut, selon laquelle la masse corporelle d'un animal est inversement liée à sa densité de population. Grosso modo, plus l'animal est gros, plus sa densité de population est faible. L'équipe a aussi utilisé des modèles climatiques pour estimer l'aire de répartition géographique totale. Et la densité moyenne de la population était environ un dinosaure pour 100 km². Il faut imaginer un T-Rex pour une ville d'une superficie comme celle de Paris. Voilà, et ça nous rassure quant à l'envie d'Elon Musk d'ouvrir un véritable Jurassic Park. On sait qu'en général, ça se passe toujours plutôt bien. En bref, l'armée russe va créer une nouvelle unité de combat. Ce n'est pas un Tyrannosaure Rex cyborg, mais néanmoins des chars sans pilote, Natacha. Oui, c'est ce qu'a annoncé récemment le ministre russe de la Défense. L'armée russe devrait bientôt être dotée de chars de combat baptisés Uran 9, conçus par l'entreprise russe Nakabino. Des chars de 12 tonnes pour 5 mètres de long, sans pilote, contrôlés à distance et armés de différents missiles. Les UGV, les véhicules terrestres sans pilote, se développent à travers le monde. Selon des documents déclassifiés des années 1960, la CIA a cherché à espionner les soviétiques avec des chatons cyborgs. Et l'opération était baptisée Acoustic Kitty, chaton acoustique. Alors à partir de 1961, la direction de la science et des technologies de la CIA a dépensé des millions de dollars pour développer un chat cyborg espion. Alors les documents déclassifiés décrivent différentes expérimentations pour implanter un petit émetteur radio à la base du crâne d'un chat et un microphone dans son conduit auditif. Ces chats étaient ensuite censés se faufiler au Kremlin pour enregistrer les conversations. L'opération a tourné court. Lors d'un des premiers tests en conditions réelles, le chat cyborg espion s'est fait écraser par un taxi. La CIA a abandonné ce projet en 1967. C'est entre ça et les dauphins porteurs de bombes. C'était vraiment une belle époque, dites donc. Allez, côté fiction maintenant, Natacha. George Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, a signé un contrat avec HBO. Oui, un contrat de 5 ans de plusieurs dizaines de millions de dollars pour développer de nouveaux programmes pour HBO et HBO Max, le service de vidéo à la demande du groupe Warner Media. Alors on ne sait pas si le romancier va rester dans l'univers du Trône de Fer, rien d'officiel, mais selon The Hollywood Reporter, George Martin travaillerait sur le scénario de 10,000 Ships, l'histoire de la reine guerrière Nymeria, 1000 ans avant les épisodes de Game of Thrones. Par ailleurs, on sait aussi que l'auteur travaille déjà sur un préquel du Trône de Fer avec House of the Dragon, qui se déroule 300 ans plus tôt. La série est prévue pour 2022. Et enfin, mon jeu vidéo préféré de toute l'histoire des jeux vidéo, le Citizen Kane du jeu vidéo The Last of Us, est adapté en série. Le tournage va commencer très bientôt. Oui, c'est l'un des chefs-d'œuvre de la PlayStation 3 sorti en 2013. Et ce jeu vidéo raconte la survie de Joël et Ellie, un adulte et une orpheline de 14 ans dans un monde post-apocalyptique après une pandémie. Leurs aventures sont donc adaptées pour le petit écran, pour HBO, par le showrunner Craig Mazin, qui a écrit la série Tchernobyl. Joël et Ellie seront incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui ont tous les deux été révélés par la série Game of Thrones, décidément. Le tournage doit durer un an et commencera en juillet. C'est l'une des plus grosses productions de l'histoire du Canada. Et on termine, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable. Et cette semaine, Natacha, l'American Chemical Society nous apprend qu'il est possible... On peut passer directement à l'émission, ben non, de savourer le goût de l'ail par les pieds. Alors, dans une petite vidéo récemment publiée, la société savante américaine nous invite à faire une expérience. Alors, il s'agit de couper en deux une gousse d'ail, de la placer dans un sac plastique, de placer son pied dedans et de faire attention à bien le fermer hermétiquement. Puis vous frottez vos pieds avec l'ail et vous attendez. Au bout de 60 minutes, un goût d'ail devrait vous arriver en bouche. Alors je vous rassure, nous n'avons pas de papilles gustatives cachées sous la voûte plantaire. C'est juste que l'allicine, la molécule responsable de l'odeur d'ail, peut pénétrer notre peau puis passer dans le sang pour se déplacer jusqu'à notre bouche. Alors en revanche, je ne sais pas si cette expérience donne aussi une mauvaise haleine. Et surtout ce qui se passe quand on pue des pieds, non N'essayez pas ça chez vous. Si vous l'essayez, on veut savoir si ça marche. Donc vous pouvez nous écrire sur notre fil Twitter @lamethodefc. Merci beaucoup Natacha. Bon week-end. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Mars, avant d'être une planète et le dieu romain de la guerre, c'est sa couleur rouge d'ailleurs, rouge sang, qui lui a valu dès l'Antiquité le rapprochement avec le dieu guerrier et le sang versé des ennemis sur le champ de bataille. Et finalement, l'idée que Mars, la planète, ne soit pas habitée, est tout compte fait une idée assez récente, qui a une cinquantaine d'années après le passage de la sonde Mariner 4 qui a mis fin une bonne fois pour toutes au fantasme d'une planète habitée, notamment via les fameux canaux identifiés par Schiaparelli. Le CCCB, le Centre de Culture Contemporaine de Barcelone, consacre en ce moment et jusqu'à la mi-juillet une exposition tout à fait passionnante à la planète Mars, notre miroir rouge, c'est le titre de l'exposition, exposition dans laquelle on peut voir notamment comment a évolué au fil des siècles la représentation des habitants de Mars. Tout débute peu ou prou avec H.G. Wells et sa Guerre des Mondes, et c'est Juan Insua, le directeur des projets du CCCB, qui nous fait visiter l'exposition. On se trouve dans un espace de l'exposition qui s'intitule L'Appel de Mars, à un endroit particulier dédié à Herbert George Wells. Nous avons ici les originaux de la Guerre des Mondes, c'est-à-dire les épreuves et les premières éditions. En quoi H.G. Wells a contribué à la représentation collective que l'on a des Martiens ? Je crois que Wells était un socialiste conscient et que ce qu'il voulait montrer, c'était les ascensions politiques de son époque. Ce qu'il établit dans l'imaginaire de Mars, c'est l'idée selon laquelle les Martiens sont hostiles, que les Martiens, d'une certaine façon, nous observent depuis un certain temps, que leurs ressources commencent à s'épuiser et qu'ils viennent ici pour en trouver de nouvelles. Mais Wells a aussi fixé quelque chose de la représentation du Martien, quelque chose de l'ordre du poulpe, de la technologie, non ? Oui, surtout si on regarde les dessins qui sont ici. Les illustrations d'Alvim Correa, qui fut l'un des premiers illustrateurs des œuvres de Wells et qui, étonnamment, a été l'une des inspirations principales pour l'adaptation de La Guerre des Mondes par Spielberg. Ce qu'établit Wells, oui, c'est l'élément tentaculaire. D'une certaine façon, l'imaginaire des céphalopodes a toujours été associé à l'imaginaire martien, et on a des références à ça dans l'exposition. L'une de ces références en particulier, ce sont les tripodes, avec ces éléments tentaculaires, qu'on développe ensuite dans la dernière partie de l'exposition. C'est vrai aussi que Wells pose les bases d'une intelligence alien, liée à l'intelligence des céphalopodes, et à une intelligence des tentacules, si on peut dire. On va aller voir la collection de couvertures de comics. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là ? Si, estamos viendo el archivo de David Sanders. Alors, là, on se trouve devant les archives de David Sanders, le fils de Norman Sanders, qui était l'un des grands dessinateurs des revues pulp de cette époque. On a donc les premières revues de science-fiction, en passant par Weird Science. Weird Tales, Amazing Stories, Astounding. Ce qui est intéressant sur cet affichage, c'est qu'on voit vraiment toute l'évolution des représentations que l'on a pu faire des Martiens. Exacto. C'est ça. Sí, sí. Y están precisamente, además, todos los referentes. Aquí hay historias de. Et on voit aussi toutes les grandes références. H.G. Wells, bien sûr, ici. Ou encore là. À cette époque aussi émergeait Gareth P. Service. Le cas de Gareth P. Service est très curieux dans Amazing Stories parce que c'est la réponse américaine à l'œuvre de Wells. Ce n'est pas une œuvre très connue, c'est le voyage. Je veux dire, si dans l'œuvre de Wells, ce sont les Martiens qui attaquent la Terre, dans l'œuvre de Service, Edison prend la tête d'une expédition vers Mars pour exterminer les Martiens. C'est la réponse, si l'on peut dire, de l'empire naissant que sont les États-Unis à cette époque. Ici, on a les cartes à collectionner de Mars Attacks, qui ont commencé en fait sur la couverture d'un numéro de Weird Science en 1952. Et ces cartes ont été retirées de la vente par un juge de l'Illinois seulement 2 mois après leur publication parce qu'elles ont été jugées violentes et subversives pour la sensibilité des enfants. Parce que ce sont des martiens tueurs. Et ces cartes, peut-être que ça a été influencé par le film de Tim Burton, sont devenues un objet culte. Est-ce que vous pouvez me décrire l'une de vos cartes favorites ou qui soit représentative de la série ? De manière générale, j'aime l'image subversive et satirique de la figure du martien, parce qu'il a ce côté ironique, et c'est un élément subversif. Bon, si on décrit celle-là, c'est un soldat qui tente de mettre un coup au martien, et ce martien a un pistolet. Il y a aussi celle-là, la numéro 19, Burning Flash, où le martien brûle l'humain. Il y a un mélange d'imaginaires. La 23 est intéressante aussi, c'est le rayon gelé, le frost ray, qui congèle les humains. C'est intéressant parce que tous ces martiens, les chimères, les démons et monstres produits par l'imaginaire martien, sont dans notre monde. Le thème des insectes, comme le thème tentaculaire ou encore le thème des différentes formes de vie, la majeure partie des monstres de l'imaginaire martien sont, de façon consciente ou non, des représentations de créatures qui existent sur Terre. Ici, on est dans une salle de projection. On a ici une synthèse des films de science-fiction des années 50 et 60, où on explique ces 3 grands thèmes. D'un côté, la dépendance vis-à-vis du pétrole, à une époque où cette dépendance devenait de plus en plus marquée. On explique également ce qui commençait à être la deuxième vague du féminisme. Et enfin, le début de ce qu'on pourrait appeler la malbouffe. Ce qui m'intéresse dans cette salle, c'est le texte qui est écrit sur ce mur. Les Martiens, c'est nous. C'est tiré d'une phrase précisément de Mackenzie Wark, parlant d'Alexander Bogdanov, qui dit que Bogdanov a écrit pour le futur, c'est-à-dire pour nous. Les Martiens, c'est nous. Si on fait un exercice d'archéologie médiatique en ayant une distance critique sur ce qui s'est passé pendant les années 50 et 60, au début de la conquête spatiale, on se rend compte que tous les grands problèmes que nous avons aujourd'hui commencent à s'accélérer à cet instant précis. Le nœud du problème, il est là. Le début de la guerre froide, la lutte stratégique entre les grandes puissances mondiales, le réveil progressif du féminisme, notre énorme dépendance vis-à-vis du pétrole. On vient justement là à l'instant de passer devant une publicité réalisée par une compagnie de pétrole américaine. Ce sont ces martiens qui découvrent le pétrole sur Terre et qui le découvrent comme grande panacée et qui retournent sur Mars ensuite pour faire du fracking pétrolier. Voilà, Voilà, c'est pour s'assurer que si des martiens nous écoutent, leur cerveau explose. Mars, le miroir rouge, c'est une très très belle exposition. Si vous avez l'occasion, si vous habitez proche de la frontière ou si vous nous écoutez depuis l'Espagne, au CCCB de Barcelone, c'est jusqu'au 11 juillet. C'est peut-être voilà une sorte de fil conducteur, de résumé de la conversation que nous allons avoir. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Natacha Vazder, pour commencer. Oui, d'abord, je pense... Vous m'entendez bien, Nicolas? Absolument, parfaitement. Oui, bon, très bien. Oui, je note quand même la prédominance de Wells, parce que je crois que Wells marque un vrai tournant ou une véritable origine, en fait, dans la création, en fait, du martien. Même si, alors, pour moi, je crois que le martien, hein, en tant qu'extraterrestre, parce qu'il existe beaucoup d'autres extraterrestres, évidemment, de figures d'extraterrestres dans la science-fiction, eh ben, c'est devenu, je vais utiliser un gros mot littéraire, pardon, une sorte de métonymie de l'extraterrestre, grâce à ses très nombreuses représentations, c'est-à-dire que le martien, en fait, c'est le symbole de l'extraterrestre. C'est devenu, on y reviendra sûrement, le petit homme vert. Et puis, surtout, le martien existe quand même depuis longtemps et avant. Il y a eu quand même des références, évidemment, et des créations littéraires avant Wells. On pourrait citer, par exemple, en 1865, un habitant de la planète Mars, donc de Henri de Parville, hein, où on découvre une momie originaire de Mars, ou encore en 1887, l'homme de Mars de Maupassant, qui nous donne des informations sur la planète Mars, dont les habitants sont ailés. Mais en fait, c'est vraiment à partir, et c'est là-dessus hein, qu'il faut s'attarder, c'est vraiment à partir de donc 1897, c'est la première parution de La Guerre des Mondes donc de Wells dans le Persons Magazine, ce qui va donc servir de matrice littéraire pour cette figure du martien, tripode, poulpeux, mais pas encore vert. Pas encore vert. On va venir au petit homme vert. Ce qui est assez fascinant avec la figure du martien, quand on s'y penche, André Gunther, c'est que le martien, c'est à la fois la représentation de ce que l'humain n'est pas, c'est-à-dire l'inverse de nous, et en même temps, forcément, en effet miroir, le martien, comme on l'entendait dans le reportage, c'est absolument nous. Un miroir déformant. Oui, oui, c'est vraiment peut-être l'une des particularités les plus marquantes de cette subculture. D'abord, pour revenir d'un mot sur la diversité et les variations, aussi bien des figures des martiens labellisées en tant que telles, que effectivement de leurs variantes extraterrestres. Et tout ça, comme le dit Natacha, c'est la même chose. C'est le même univers parce qu'il est justement caractérisé par cette explosion de diversité, par une espèce de zoologie fantastique. Vous voyez, on a par exemple en face, vous avez l'imagerie des dinosaures. Alors l'imagerie des dinosaures, elle est très nombreuse aussi, mais c'est tout le contraire. Vous avez une variété d'espèces qui sont assignées. Voilà, il y a le tyrannosaure, etc. Toutes ces espèces que les enfants connaissent, avec lesquelles ils jouent. Et tout ça fait un bestiaire, mais qui est très organisé, qui est vraiment naturel au sens des sciences naturelles. Mais par ailleurs, parce qu'il est réel, pour le coup, c'est parce qu'il est sourcé. Eh bien, alors, c'est tout le problème, en effet. C'est que, voilà, si vous vous rappelez peut-être, par exemple, la scène du bar dans le premier épisode, ou l'épisode 4 plutôt, de Star Wars, où vous avez hein, cette imagerie d'espèces extrêmement extraordinaires. Le problème, c'est que véritablement, là, on est devant une imagerie qui n'est pas assignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Quel est le critère ? On parlait à l'instant de Wells. Je voudrais mettre tout de suite en parallèle, parce que ces deux œuvres qui me paraissent justement structurer cet imaginaire, mettre en face John Carter. Bien sûr. Et donc le Edgar Rice Burroughs, ça commence en 1912. L'inspiration de Burroughs, qui est aussi le créateur de Tarzan, vient de la même source que que celle de Wells, c'est-à-dire Percival Lowell, qui est un astronome amateur, probablement l'un des premiers grands vulgarisateurs de Mars, qui écrit plusieurs livres, dont cette espèce de... Voilà, c'est très intéressant. C'est ce que fait Lowell, c'est de la vulgarisation. C'est pas de la science-fiction. Il décrit, il croit qu'il voit les canaux de ce qui apparaît de lui, et il fait une interprétation de ces canaux en disant, voilà, ce qui se passe sur Mars, c'est en fait une civilisation qui est en train de mourir, parce que ces canaux, ça veut dire que on est en train de transporter de l'eau d'un pôle à l'autre, il n'y a pas assez d'eau, ce peuple est en train de mourir de la sécheresse. Donc c'est très un mythe qui a beaucoup d'actualité aujourd'hui, et c'est cette proposition de vulgarisation qui va nourrir l'imaginaire. Donc Wells en fait, si les Martiens nous attaquent, c'est parce qu'ils doivent quitter leur planète et qu'ils ont besoin d'une autre planète de remplacement. Et alors pour John Carter, c'est très différent, et les modèles de Martiens, si j'ose dire, ne sont pas les mêmes. Voilà, on a des géants verts, on a aussi la couleur verte qui commence à apparaître, on va y revenir. Et puis on a aussi des hommes rouges qui nous ressemblent, qui sont comme des humains. Donc on a, voilà, toute cette... Mais Wells et Burroughs se contredisent. C'est la même inspiration, disons, scientifique, entre guillemets, mais ça donne des résultats extrêmement différents. Chez Burroughs, d'ailleurs, ce n'est pas Mars, c'est Barzoum. L'objectif premier de la mission a été rempli. Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Regardez à quelle vitesse il se développe. Sun, then Rasu. Mercury. Then Kosu. Venus. Then Earth, us. That is Jasum. You are on Barsoom, John Carter. Mars. Jasum, and you came on one of your sailing ships across millions of carats of empty space? No, not like that. Go on, shock me. How? Voilà la dispensable adaptation de Edgar Rice Burroughs au cinéma, mais ça nous permet d'entendre un peu ce nouveau nom, cette nouvelle terminologie de Mars, Barsoom, John Carter, l'adaptation donc d'Andrew Stanton en 2012. Natasha Vazder, vous vouliez réagir à ce que disait André Gunther tout à l'heure? Oui, alors à propos justement de cette classification, alors bien sûr, parce que ce n'est pas une classification naturelle et scientifique, mais je crois quand même qu'on peut classer les extraterrestres et puis peut-être les martiens, parce que les extraterrestres, en fait, on peut les retrouver sous diverses formes, mais selon trois perspectives. Les extraterrestres peuvent être humanoïdes, et en fait les martiens, alors sauf les martiens de Wells, qui sont plutôt donc, je dirais, apparentés aux poulpes. D'ailleurs, c'est intéressant, toute petite parenthèse. On aime bien l'adjectif poulpeux, le néologisme. Voilà, l'adjectif poulpeux, parce qu'en fait, le poulpe, en fait, dans la mythologie, les monstres, en fait, poulpeux, sont les monstres de l'origine, vous voyez, c'est-à-dire au moment où la vie est en train de se former. Et donc, je pense que si Wells, alors, bon, évidemment, j'interprète, mais si Wells a choisi cette forme, eh bien, je crois que c'est une forme, parce que c'est la première fois qu'on va véritablement présenter de manière précise, enfin, décrire de manière très précise, justement, des martiens. Donc, il peut y avoir ces extraterrestres, alors que j'appellerais polymorphiques, c'est-à-dire qu'ils prennent différentes formes, qui peuvent être poulpeux, qui peuvent ressembler à des blobs, qui peuvent se transformer. Il y a des extraterrestres insectoïdes, qui ressemblent grosso modo à, qui ont des traits des insectes, ou des traits, par exemple, des crustacés. C'est le cas notamment des extraterrestres, moi, qui m'ont beaucoup marqué, de District 9, de Ned Blomkamp. Ou alors, eh bien, nous avons des extraterrestres humanoïdes. Et c'est ceux, évidemment, après, qu'on va retrouver sous la forme des petits gris. Donc, je crois que même dans la fiction, on peut essayer de proposer cette classification. Et du coup, cette classification, eh bien, peut nous apporter, justement, une signification. Alors, bon, bien sûr, au cinéma, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que si on fait des extraterrestres humanoïdes, c'est aussi la facilité, parce qu'on met un costume rouge ou un costume vert sur un acteur, on lui met un masque ou quelque chose, et ça permet finalement d'avoir un extraterrestre à peu de frais. Mais je crois très honnêtement que ça va au-delà, puisque si on rebondit un petit peu sur l'histoire de le Martien, c'est un autre nous-mêmes, et bien je crois que le deuxième nom qui est très important, c'est Ray Bradbury avec les Chroniques bien martiennes, sûr. Donc en 1950. Mais vous allez un peu vite en besoin, ouais. Déjà, Natacha, parce qu'on est déjà en 1950. On va retenir un peu les chevaux. Non, ce qui est intéressant finalement, ce qui est intéressant en tout cas chez Wells et pour beaucoup, finalement, dans cet imaginaire martien initial, c'est-à-dire de la fin du 19e, début 20e, c'est que, vous le disiez un peu, André Gunther, tout à l'heure, il y a une volonté scientifique, ou en tout cas de s'ancrer dans une forme d'évolutionnisme ou de pensée évolutionniste. Hein. Wells le dit, hein, si ces martiens sont des espèces de gros cerveaux sans bras, c'est parce que on commence à connaître ce qui se passe sur Mars, on sait que c'est plus petit, qu'il y a moins de gravité. Il y a une volonté, en tout cas, de s'ancrer dans un imaginaire qui est un imaginaire scientiste. Absolument, c'est ce qu'indique le terme même de science-fiction, qui veut dire au fond que un des rôles de la fiction, c'est de tester des hypothèses, mais des hypothèses d'une certaine vraisemblance. Alors, évidemment, dans la science-fiction, il y a aussi un éventail de genres qui va de la fantaisie la plus débridée, mais avec à l'autre extrême quelque chose qui, effectivement, disons, pour prendre un film récent, voyez, pensez à Seul sur Mars, où là, il y a le martien, c'est devenu l'humain. Pour confirmer. The Martian, d'ailleurs. The Martian, c'est ça. Voilà. Hein, le titre anglais, c'est Les Martiens, c'est nous. Hein, on retrouve effectivement tout à fait l'hypothèse de base de cette émission. J'ai perdu mon... L'idée, c'était que ce soit lié, finalement, à une pensée évolutionniste, ou en tout cas, voilà. À une pensée scientifique. C'est-à-dire... Et donc, ce qui est intéressant dans les hypothèses de la fiction, c'est en effet qu'elles soient nourries par la science, et alors une science qui n'est pas toujours très exacte, mais en l'occurrence par la planétologie. Et donc effectivement, on a parlé de la taille de Mars, Mars est plus petite, donc on peut supposer qu'il y a une gravité moindre, donc on va déduire, on va en inférer, on va spéculer à partir de cette donnée que, par exemple, les Martiens ont des poumons démesurés, ou bien qu'ils sont très grands, ou qu'ils sont très petits, donc les conclusions des spéculations peuvent être très différentes, mais tout ça part, encore une fois, d'une base. Et l'autre hypothèse de planétologie qui est très importante, c'est l'explication de la formation du système solaire de Laplace, qui explique que Mars est une planète plus ancienne que la Terre, dont sa formation, comme elle est un peu plus éloignée du Soleil, sa formation est plus ancienne. Et donc ça, c'est un élément très important pour toutes les déductions fictionnelles qui vont dire que les Martiens sont donc plus évolués que nous. Ils représentent un état de l'intelligence. Donc, par exemple, le gros cerveau, ça vient de là. Mmh. C'est une déduction laplacienne qui fait que, effectivement, les Martiens vont être, par définition, avoir une technologie plus avancée, être plus intelligent et représenter aussi. Ça, c'est par exemple Hugo Gernsback, le Martien d'Hugo Gernsback en 1924, qui illustre complètement cette idée d'une déduction physiologique et évolutionniste, qui est dessinée à partir des crânes humains. C'est magnifique. Gernsback imagine un martien, mais avec des squelettes qui représentent l'évolution du singe à l'homme moderne. Mmh. Et c'est intéressant parce que c'est aussi dans cette perspective-là que se place Frank R. Paul. C'est l'illustration que nous avons utilisée pour cette émission, pour représenter cette émission sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Natacha Vazder, de ce martien, de l'homme de Mars face à l'homme terrestre, qui aussi est une sorte de collage, un peu de cadavre exquis, de différents traits évolutifs, qui bien représentent exactement ce que vient de dire André Gunther, c'est-à-dire l'idée d'une civilisation qui aurait évolué un peu différemment et qui serait plus ancienne et qui serait donc plus avancée dans l'évolution. Donc c'est un peu le miroir d'un nous futur. Oui, mais je ne suis pas, alors si vous me permettez quand même cette réflexion, je suis je suis pas certaine qu'en termes d'illustration dans la science-fiction, on fasse tout le temps, notamment à cette époque, référence à la science. Parce que, si vous voulez, quelqu'un comme Frank Herpold, lorsqu'il va créer, donc en 1939, dans cette couverture donc, de Fantastic Adventure, donc son fameux Martien qui va être décliné et repris, évidemment, très très souvent, eh bien, je pense que ce Martien, il représente une créature un peu hybride, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'insecte. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de classification tout à l'heure. Mais je crois quand même que ces Martiens qui peuvent prendre justement toutes ces formes sur ces couvertures de pulps extrêmement colorées, c'est peut-être avant tout quand même pour frapper l'imagination du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a un vrai jeu avec l'iconographie, avec l'imagerie des pulps qui sont extrêmement colorées. Alors c'est vrai que, évidemment, en 1912, dans John Carter va croiser ces races donc d'extraterrestres à quatre bras et qui sont verts. Et donc, à partir de là, va se décliner, bien évidemment, cette image des extraterrestres verts. Mais je suis pas certaine que la science ait autant de place. Je crois qu'elle est quand même dans cette imagerie, dans cette inventivité en fait de l'illustration. On est quand même, si vous voulez, dans une image, une invention débridée qui va utiliser peut-être, eh bien, tout simplement des morceaux, toutes les formes en fait d'animaux que l'on peut connaître ou insectes que l'on peut connaître donc sur la planète Terre et que l'on va qui vont permettre donc recréer une créature un petit peu hybride, vous voyez, parce que ce qui compte bien sûr c'est cette notion d'hybridité. Voilà, donc là je me situerais plutôt du côté de l'invention, vous voyez, de l'image plutôt que du côté de la science. André Winter, votre sentiment? Là, on a un vrai désaccord avec Natacha. Non, mais c'est ce qu'elle décrit, ça existe. Ce sont des chimères. La mythologie grecque depuis l'Antiquité. Voilà, on a une abondance de justement de collages. Vous parliez de Kadavrexki tout à l'heure, de différentes formes animales, un lion avec des pattes de bouc, enfin, etc. Donc tout ça donne des chimères qui sont nommées, qui sont classées. Bon, je crois que vraiment la caractéristique en particulier au XXe siècle, de l'imagination évidemment débordante de cette forme de culture populaire, c'est qu'elle est indexée, inspirée, disons-le comme ça. Hein. Voilà, je suis pas en train de dire que la culture, que cette subculture est scientifique, mais elle est inspirée constamment et alimentée par le repère savant. C'est ce qui lui donne peut-être pas une forme de légitimité au sens où nous l'entendons dans l'espace académique, mais c'est une forme de puissance pour un lectorat populaire, pour les adolescents, les jeunes enfants qui adorent ces histoires, et qui, c'est là, de ce point de vue-là, je ferai effectivement plutôt la comparaison avec les dinosaures. Les dinosaures aussi sont une histoire pour les enfants, une histoire de monstres, mais une histoire dont le soubassement est scientifique. Et ça, c'est important, ça fait partie des nouvelles fictions et des récits du XXe siècle qui sont basés sur, disons, un rapport à la réalité qui est travaillé par tout le réalisme, le naturalisme au XIXe siècle. Et puis, voilà, si vous pensez au roman policier, par exemple, donc, la fiction est plus intéressante quand elle a un rapport avec le réel. Avant d'arriver au Little Green Man, au Petit Homme Vert, Natacha Vazer, je crois que vous vouliez nous dire aussi un mot d'une représentation qui vous intéresse tout particulièrement. C'est au cinéma, cette fois-ci, c'est celle de Aelita, du film de Protasanov en 1924. Oui, parce que Aelita, alors c'est un film, on l'oublie parfois. Alors on est très loin là pour le coup de la représentation évidemment des Martiens tels que nous voulons les évoquer, puisque nous sommes en fait sur un film qui va s'inscrire plutôt. Vous voyez, on est en 1924 dans les formes donc de l'expressionnisme européen, hein, notamment russe, et sur Aelita, eh bien, alors c'est un roman, enfin c'est le film s'inspire du roman éponyme films d'Alexis Tolstoï, hein, qui n'a rien à voir évidemment avec le Tolstoï donc de la littérature russe classique. Et en fait, on est sur une autre planète qui est un petit peu une planète sœur finalement de la Terre, mais qui est intéressante parce que c'est vraiment à Aelita, c'est vraiment un reflet justement des aventures sur Mars au cinéma. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que bien avant Metropolis, on a ce film qui est, je crois, une des matrices donc du film de science-fiction tel qu'il va se développer après Metropolis en 1927. Donc c'est pour ça que je voulais juste faire. Alors évidemment, ce sont des Martiens qui sont humains. Hein, bien sûr, pour des raisons, je pense, relativement pratiques, mais aussi parce que à cette époque-là, eh bien, on déplace aussi les problématiques, notamment de pouvoir, sur par rapport à l'histoire hein, de notre planète, eh bien, sur d'autres planètes. Donc, il y a pas que le rapport à la science. Il y a aussi dans la planète Mars, comme d'ailleurs l'a souligné André donc au début de l'émission, eh bien, il y a ce rapport que sur la planète Mars, même si on n'a pas des Martiens, on va dire humanoïdes, on a plutôt des Martiens qui ressemblent à des humains, eh bien on va retrouver des problématiques historiques de la planète Terre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et Dieu sait que Jean-Guilain Meige, notre ingénieur du son, rêve de me faire une voix distordue, comme nous venons de le faire à Anne de Biron, que je salue, pour poursuivre cette émission sur les Martiens. La question donc, puisque nous avançons dans ces représentations qu'on a entendues comme très protéiformes, hein, très polymorphiques de ces Martiens, sans vraie direction, apparaissent dans les années 50, ces fameux petits hommes verts. D'où viennent-ils exactement? On a eu la couleur verte chez Burroughs dans Barzoum, mais c'était des géants à six bras avec des défenses. D'où il vient ce petit homme vert, André Gunther? Alors, moi je pense que vraiment le petit homme vert, c'est un... D'abord c'est une expression, avant d'être une image, et c'est une façon satirique de désigner les Martiens ou les extraterrestres. Donc l'expression, elle arrive assez tôt au début du XXe siècle, mais elle est caractérisée par le fait que c'est un emploi véritablement moqueur. Ce sont pas les partisans, si vous voulez, de la science-fiction ou de la marsologie qui utilisent cette expression. C'est une expression désobligeante pour se moquer de cette subculture. Et en particulier, ça va être un emploi qui est typique des années 50, au moment où surgit la mythologie des soucoupes. Donc c'est l'arrivée des soucoupes qui fait que, d'une part, la presse... Donc les soucoupes sont un récit médiatique, c'est pas de la fiction. Donc il va y avoir aussi des fictions à partir des soucoupes. Mais l'essentiel du récit, c'est basé sur des observations ou des témoignages qui se multiplient à partir de 1947, qui vont effectivement, pendant toutes les années 50... nourrir un autre volet, disons, à caractère totalement science-fictionnel. Et puis, donc, les journaux vont raconter ces histoires, mais d'une façon au second degré, avec un peu de moquerie, et donc propager cette expression des petits hommes verts. Et c'est très intéressant, parce qu'on en avait parlé à ce micro, on ne réalise pas bien en France à quel point ces soucoupes volantes, ces enlèvements, ont été vraiment... quasiment le quotidien de la culture américaine dans les années, la fin des années 50, début des années 60. C'était à la une des journaux. Absolument. Ça a été vraiment un phénomène culturel absolument massif qui a vraiment été pris très très très au sérieux. Au sérieux, ça c'est difficile à dire. C'était reporté comme... Non mais voilà, on avait des témoignages très massifs. Voilà, c'est absolument... mais dans une manière, si vous voulez, c'est comme la panique des Martiens d'Orson Welles, hein, en 1938. On pourrait dire un mot. Cette émission, c'est très intéressant parce qu'on est de nouveau dans les mêmes problématiques de rapport au réel déformé, puisque Orson Welles fait une émission de radio où il raconte avec des acteurs acteurs La guerre des mondes de Wells, sauf que il la raconte en imitant les bulletins radiophoniques d'information. Et donc il donne un côté réaliste à cette histoire, de sorte que un certain nombre d'auditeurs américains en 1938 croient à la réalité d'une attaque, donc pas forcément des Martiens, parce que on est dans un contexte qui est de guerre froide. Avant la Seconde Guerre mondiale, et donc les Américains entendent tous les soirs à la radio des choses qui se passent en Europe et qui ont l'air tout à fait terrifiantes. Mmh. Donc c'est pas si anormal que ça. On sait aujourd'hui que cette panique n'a pas eu forcément l'ampleur que les journaux lui prêtent, mais voyez, c'est une façon de décrire au fond une culture populaire de façon un peu méprisante. Ça a toujours fait partie aussi à la fois du récit des soucoupes ou du récit des Martiens, hein, qui sont présentés un petit peu en souriant, mais ça, en même temps, ça occupe une partie de la culture extraordinaire. Natacha Vazder, sur cette origine du petit homme vert qui va vraiment fixer très très très fort, on entendait tout à l'heure dans le reportage les fameuses cartes à collectionner Mars Attacks qui vont être l'inspiration de Tim Burton pour le film de 96, mais déjà dans ces cartes à collectionner, on a c'est déjà une synthèse de cet imaginaire du petit homme vert belliqueux que serait le Martien. Oui, alors je crois que je vais reprendre l'idée d'André, puisque à partir de 1946, on va avoir un roman de Harold Sherman qui s'appelle The Green Man, donc le petit homme vert, et puis le Martien devient carrément parodique avec Martian Go Home en 1955, donc de Frederick Brown. Et là, si vous voulez, je crois qu'on a en fait un faisceau de plusieurs éléments qui vont transformer en fait ce Martien en petit homme vert, à la fois parodique et puis en extraterrestre dont on va finir par se moquer. Alors il y a plusieurs choses, hein. Il y a mais toujours belliqueux, hein. Oui, toujours belliqueux, mais devenant, on va dire, peut-être de moins en moins dangereux quand même, parce qu'on n'est pas du tout dans ces romans-là. En fait, le petit homme vert n'est pas, d'ailleurs, il est petit, hein, et il n'est pas du tout comme chez Wells, évidemment, dans La Guerre des Mondes. Mais je crois que ça permettra peut-être de faire le lien avec la notion des extraterrestres petits gris. Donc, je crois que Nicolas voulait qu'on dise un mot après. Bien sûr. Mais dans les années, en fait, 1950, et ça va complètement influencer, en fait, le cinéma, il y a eu en fait une affaire. Alors, c'est pas Roswell, mais c'est plutôt une affaire de supercherie de deux escrocs qui s'appelaient Silas Newton et Leo Gebauer, qui en fait ont organisé un faux crash d'OVNI avec de faux cadavres d'extraterrestres et qui étaient plutôt des extraterrestres, vous voyez, alors pas verts, parce qu'évidemment, ça n'avait aucune vraisemblance, mais qui étaient plutôt gris. Et alors, cette affaire-là, elle a été rapportée dans l'ouvrage de Frank Scully, qui était chroniqueur du magazine à Hollywood, dans le magazine Variety, qui était très très lu dans les milieux du cinéma. Et donc, si vous voulez, eh bien cette affaire-là, elle va influencer aussi largement la représentation donc de l'extraterrestre. Donc en fait, c'est à partir d'une supercherie, c'est à partir, comme l'a dit André, cette émission donc d'Orson Welles, hein, de 1938. D'ailleurs, on a beaucoup, ce sont les journaux, hein, qui ont grossi en fait la panique aux États-Unis, parce qu'ils étaient un petit peu jaloux en fait du média radio. Ça, c'est une idée qui va sûrement plaire à Nicolas. Évidemment. Et donc, oui, ça a provoqué une panique, mais certainement pas autant que les journaux ont véritablement monté en épingle donc cette affaire-là. Vous voyez, donc, en fait, toutes ces affaires, cette supercherie, cette escroquerie, la science-fiction qui devient parodique, eh bien, contribue à cette représentation spécifique donc du petit homme vert. Et quand, après, évidemment, cette vague aussi donc des visions d'OVNI aux États-Unis va un petit peu s'atténuer, eh bien, je crois qu'on va revenir à une autre vision en fait de l'extraterrestre et du Martien. Et cette vision parodique, et pour avoir vu justement ces cartes à collectionner à l'exposition du CCCB à Barcelone, elles sont effectivement exactement, on va vous trouver des images, vous allez pouvoir les voir sur notre fil Twitter @laméthodefc. C'est vraiment Tim Burton, ne s'est pas inspiré, il a vraiment absolument copié ce modèle, et évidemment avec le ton et l'humour grinçant qu'on lui connaît. Act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act, act Well, wait a moment. It's just greetings. Greetings. I am the Martian ambassador. Everything is face now, General. You may speak. Greetings. I am General Casey, commanding officer of the armed forces of the United States of America. On behalf of the people of Earth, welcome. He did that well. Et oui, ils viennent en paix, enfin, croit-on, pendant quelques secondes, avant de se faire sauvagement dessouder à coups de pistolet laser. Il va se passer quelque chose d'important également, Natacha, dans les années 60, c'est que, eh bien, dans les années 60, on va enfin voir la réalité. On envoie une sonde, 1965, Mariner 4, et là, eh bien, pas de canaux, pas de martiens, rien. Un grand désert rouge, c'est un peu, eh bien, la fin de cet imaginaire florissant, puisque cet imaginaire florissant se fracasse sur la réalité. Oui, alors dans l'histoire en fait des représentations, eh bien l'histoire des martiens suit exactement la même évolution que les créatures donc que l'on pouvait imaginer sur la Lune, que Wells appelait donc les sélénites. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure en fait où finalement la réalité et les preuves en fait du réel de la réalité via évidemment les sondes et les images qui nous sont envoyées sur les planètes, eh bien nous montrent que c'est une planète vide. Eh bien petit à petit, les représentations dans la science-fiction vont s'estomper, voire totalement, évidemment, disparaître. Alors, c'est en 1960, mais en fait, dès 1950, alors je reviens, hein, pardon, aux chroniques martiennes quand même, de Bradbury, eh bien, je crois qu'il y a une idée qui est très importante chez Bradbury. C'est qu'en réalité, il y a une sorte de dialectique entre terrien et humain. Alors, les chroniques martiennes de Bradbury, hein, je précise, c'est vraiment, elles présentent la planète Mars comme une sorte de rêve romantique. Et les martiens de Bradbury sont des êtres poétiques. Donc on n'est pas du tout, si vous voulez, dans une science-fiction véritablement scientifique, hein, qui se fonde sur la science. Ça, c'est important de dire ça. Mais en fait, ça se situe sur un autre niveau, en fait, la sémantique des chroniques martiennes. Parce que pourquoi ? Eh bien, les terriens débarquent sur la planète Mars. Les martiens, donc au début, évidemment, vont tenter de se défendre et puis vont très vite malheureusement être détruits par un virus qui est le virus de la varicelle. Et donc les terriens prennent la place des martiens mais avec leur culture terrienne. Sauf que entre-temps, la planète Terre donc est détruite par une apocalypse nucléaire et les rares familles qui avaient décidé de rester sur la planète Mars, eh bien décide de devenir en fait donc des martiens. Et donc je crois que la moralité en quelque sorte des chroniques martiennes, eh bien c'est que le martien va non seulement s'humaniser par rapport à l'humain qui est présenté par un colonisateur, mais que les colonisateurs eux-mêmes, en devenant finalement des martiens, eh bien prennent la place de l'extraterrestre et peut-être deviennent eux aussi d'ailleurs des extraterrestres. Voyez. Donc en fait cette histoire des représentations dès les années 1950, on sent bien, voyez, que ça s'essouffle un petit peu quand même. Oui. Dans la science-fiction. Et c'est intéressant parce que c'est cette idée-là que les humains deviennent des martiens que reprendra un auteur qui est cher à mon cœur, Robert Charles Wilson, dans Spin, puisque bien sûr. Voilà, on envoie des humains sur Mars et comme le temps se passe de manière extrêmement plus rapide à l'extérieur, et bien d'un seul coup, les martiens reviennent après des millions d'années de civilisation humaine et ont été modifiés par la topologie, la géographie, la densité et la nature de la planète Mars. Un mot en André Gunther, après ça, évidemment, bien, d'un seul coup, les Martiens, après 65, le petit homme vert va tout de même donner son nom à un signal. C'est signe à quel point cette culture populaire est rentrée dans la culture générale. C'est le nom du premier pulsar qu'on appelle LGM pour Little Green Man, parce qu'on pense que c'est un signal extraterrestre. Et puis, on va petit à petit dériver vers cette figure un peu paranoïaque, un peu invasive, un peu psychotique du petit gris. Comment est-ce que vous l'analysez, ce passage de l'un à l'autre? Alors oui, ça c'est vraiment c'est encore un exemple de ce dont on discute depuis tout à l'heure. C'est au fond l'idée que la science-fiction extraterrestre, pour le dire comme ça, fait des hypothèses sur l'altérité, mais l'altérité de l'humain. Donc, est-ce qu'un autre que moi, mais dans un sens presque, si vous voulez, racialiste, hein, il y a certains commentateurs qui lisent les romans de science-fiction ou par exemple les romans de colonisation comme effectivement des formes de variantes sur l'histoire coloniale, parce que la différence est basée sur effectivement une différence d'espèce. Une différence de race pour le modèle raciste, et donc ça veut dire une différence radicale, quelque chose qui est un autre radical. Donc cet autre radical, soit c'est un monstre qui nous attaque, c'est le modèle de Wells, ça peut être nous-mêmes, donc le modèle Bradbury, c'est une colonisation. Voilà, donc on vient coloniser Mars comme les Américains ont colonisé les Indiens d'Amérique. Et puis, y a encore une troisième façon de faire. Ça peut être une cinquième colonne qui nous ressemble, mais qui nous menace de l'intérieur. Ça, c'est X-Files, c'est la paranoïa des années 90. Voilà, les envahisseurs. Déjà dans les années 60. David Vincent, ouais. Vous souvenez. Il les a vus et il ne trouvera jamais son voilà. Chemin. Donc, ils sont parmi nous, mais ils nous menacent. Alors, les petits gris, donc, c'est effectivement... Alors là, c'est vraiment un résultat du récit soucoupique, puisque ça vient en particulier du récit d'enlèvement de 1961 Barney et Betty Hill, qui racontent qu'ils ont été kidnappés par des aliens. C'est plus des martiens. Des aliens. Le martien ne meurt pas. Le martien se déplace simplement. L'extraterrestre, c'est juste finalement un déplacement un petit peu plus loin et dans un univers un petit peu moins situé. Et puis Barney et Betty Hill font des dessins des extraterrestres qui les ont enlevés, et donc c'est des dessins très sommaires qui ressemblent un peu, si vous voulez, à E.T. Donc on a une tête qui est toujours très très volumineuse, très globuleuse, des grands yeux toujours glabres, c'est intéressant. Voilà, ils sont en peau, quoi. C'est les martiens exhibitionnistes, voilà. Et donc là effectivement ils ont perdu leur couleur verte, et ça va devenir après quelques années plus tard. Il y a le récit de l'incident de Roswell, oui, en 1980. Et puis voilà, c'est la fameuse vidéo truquée De Ray Santilli, qui représente une fausse autopsie d'un faux alien qui est alors là typiquement un petit gris. Mais le petit gris est déjà illustré par Spielberg en 1977 dans Rencontre du troisième type. Et Rencontre du troisième type est un film formidable de la rencontre avec l'altérité. C'est-à-dire, qui sont-ils? Est-ce que ce sont nos ennemis? Est-ce que ce sont nos amis? Eh bien, voilà. On va les croiser et les rencontrer. Il manque tout un pan que j'avais prévu à cette émission et il nous reste 30 secondes pour l'aborder, Natacha. C'est votre défi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la science revient à l'assaut. Ah oui. Qu'est devenu le martien? Le martien, aujourd'hui, c'est une bactérie, une trace, une forme de vie qui est restée figée pendant des millions d'années et qui revient à la vie, mais elle a quelque chose, cette forme de vie, c'est qu'elle est toujours belliqueuse quand même. Oui, alors là, je vous avez 10 secondes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un film de 1965 qui s'appelle La bataille au-delà des étoiles. Alors c'est un peu parodique où on trouve une espèce de substance gélatineuse verte sur une planète qu'on ramène et qui va se développer en une espèce de monstre cyclopéen et là je crois que on aura tout dit. Et c'est ça, mais il y a une sorte de remake qui s'appelle Life récemment avec justement les premiers extraits des échantillons de Mars qui sont amenés à la Station Spatiale Internationale, ça reprend vie et ça se passe pas très bien. Un autre film, voilà. Une petite série B qui ne me déplaît pas du tout, qui s'appelle Last Days on Mars, d'une mission humaine qui finit par être contaminée par une bactérie. Bref, ce sera le sujet d'une autre émission peut-être, qui sait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci André Gunther. Merci. Natacha Vazder, le Festival Hypermonde, il va se tenir un jour ou pas? Ce sera au mois d'octobre? Nous espérons en fait c'était du 3 et 4 octobre. Voilà samedi, c'est ça. 3 et 4 octobre. Voilà, et puis vous pouvez toujours aller voir cette exposition Mars, le miroir rouge, Marte el Espejo Rojo. C'est au CCCB à Barcelone jusqu'au 11 juillet. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean Guilin, Meige à la technique et Charles Gargasson à la réalisation. La semaine prochaine, lundi, nous parlerons des méninges, mardi des étoiles céphéides. Mercredi de l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic des cancers, jeudi de la grotte de Totavel, et vendredi ce sera encore une émission spatiale. On sera pas très loin puisqu'on va parler des vaisseaux spatiaux, comment on se déplace dans l'espace à travers l'histoire de la science-fiction avec le camarade Roland Lehoucq. On est ravis de le recevoir. Demain à 16h ce sera Étienne Klein. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.